Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, asile. Ma ma'na tecemma'a yetecemma'u? Rassembler. Comment on dit nuage? Suhoub. Suhoub. Ma huwa al-mufrad? Singulier. Sahab. Sahabun. Comment on dit couler? L'eau elle coule, par exemple. You feel. Hein? You feel. Là. Yassil. Ça là yassil. D'ailleurs, en liquide, ça s'appelle sa'il. Namana Bouhaira. Un lac. Oudian. Une vallée. Des vallées, ça. Là où elle moufrad. Singulier. Wadi. Al-Maya. Ah, le pluriel de main. Non. Comment on dit verser? Yufir. Yufir ou Yafir? Yufir. Yufir, là. C'est Fadha Yafidhu, et non pas Afadha Yufidhu. Comment on dit former? Takawwanu. Ah. Non, non. Yukawwin. Kawwana yukawwin. Yukawwin. Mamana manba'un. C'est la source. Masabun. La fin. Hmm? La fin quoi. Kif la fin. Ça coule. Masabu Tariq, c'est la fin de la route. Masabu c'est quoi? Je sais pas. C'est la fin du fleuve non? Hein? La fin quoi, la sortie. Quoi. C'est là où il se jette. Ah ouais. طيب عجيب الأسئلة ماذا يحدث لماء البحيرة إذا فاض يجري على الأرض التي حولها ماذا تحمل مياه النهر يحمل ما تستطيع من النبات والأشجار يحمل ما تستطيع ويحمل ما يستطيع أو تحمل ما تستطيع تحمل ما تستطيع أيوة شو بان فوياً فتاك نعم شو رجل بامي J'avais juste mis matastatia, hein. J'avais oublié de mettre le sujet quoi. Aina yajri en nahr. Fissouhoul. Fissouhoul plutôt. Fissouhoul. Woudian. Min manbaï. Il est mansabi. Il est mansabi. Ça veut dire quoi, souhoul? La plaine, les plaines. ماذا تسمى بداية النهر؟ منبعون. ما فوائد النهر؟ يسقي النبات والحيوانات والإنسان. كيف تتكون مياه البحيرة؟ من ماء الأمطار. من ماء الأمطار. الأمطار. طيب انا بدي الثالث ايوه ارتب الجمل من الدولار تفضل وقد كان الحر في ذلك اليوم شديدا ثم ظهرت في السماء سحوب صغيره بيضاء كنت من الفاز اللي با لا بروميير Comme elle commence, la première, elle commence par voir. C'est vrai. C'est peut-être la deuxième en premier, je crois. Celle que je dis en deuxième, c'est la première. La première, c'est ce que tu viens de dire. Ouais. Et la deuxième, c'est. Waqad kana al-harru fi dhalika al-yawm shadidan. Ma yalzam. Après, j'ai mis. Wabada yash. Quoi? Yatajamma ba'duha fawqa ba'd. Naam. Ensuite fakawannat fakawannat sahabatan kabiratan. Ensuite taghayyara al-lawna lawnaha. Taghayyara lawnaha wa thumma nazalat minha amtarun kathiratun. Là tu peux dire waqad kana al-harr fi dhalika al-yawm shadida. peux mettre là aussi. Taïeb, maintenant tu lisais les mots. Alors, suhoub. As-suhoubun tajtama' fi sama. Ash-ou. Tajamma'. T'as dit quoi? J'ai mis. Tajamma'. Là, le mot. Tajamma'. Là, le mot. As-suhoub. Suhoub. C'est pas ça? Allez, voilà, vas-y, tu fais autre chose. Non. As-suhoub. As-suhoub tajamma' fi sama'. Donc, ensuite. Fi suhoub, bon, j'ai pas fait des phrases très diversifiées. Fihi suhoubun kathiratun al-yom. Kathiran al-yom. Kathiratan al-yom. Kathiratun. Kathiratun. C'est un na' de suhoub. Suhoub là, il est marfou. Fi suhoub kathiratun al-yom. Al-matar. ينزل المطر ينزل من السماء عندما تتجمع السحب. تتجمع tu l'as pris de là? Comment? Ah, t'as passé du au famin, moi je te parle du sabia. Non, je devais faire ça. Ouais, on a noté sabia. De mettre les mots dans les phrases mufida. Yatajamma'u wa tin wa tasir wa suhul wa fada wa jibal wa yukawwinu. Ah, c'est celle-ci qu'il fallait, je crois. Ah, ouais, je l'ai noté aussi. Noté celui-là et celui-là. Sadis, as-sabi' wa thamin. Je l'ai pas vu, je vais essayer de le faire. Voilà, fais le celui que tu as fait là, thamin. Alors, as-suhub tajamma' fi sama, ce que je veux dire en premier. Après, j'ai mis au milieu, fihi suhub bun kathiratun al-yum. Et à la fin, non, à la fin, al matar yanzilu min as-sama' indama tatajamma' as-suhub. Ensuite, c'était al-wadi. Al-wadi qaribun min bayti. Ensuite, sanadhhab au milieu. Sanadhhabu ila al-wadi ghadan. Inch'Allah, ma'a al-ikhwatin inch'Allah. Béti Karib Nilwadi. Attends, je sais pas. La troisième, tu mets au contraire de la première. Béti Karib Nilwadi. Ah ouais, je sais pas comment lire. Je vais dire un truc comme ça, je pense. Ouais, je dis quoi? Je sais pas. Ouhibbu al-dahab ila al-wadi. Vas-y. Ensuite, après, je mets quoi? Al-nahr. Al-nahr min. Masar. Masar kabirun jiddan. An-nar min masar kabirun jiddan. C'est pas moi qui pourrais te répondre, c'est toi qui as écrit. An-nar min masar zanajatou. An-nar min. Bon, je vais essayer de faire ça du mieux. Tahmilou mia. مياه النهر ما تستطيع من النباتات نل نباتات ايوه الدانيه تجتمع المياه في النهر الروج سي بلس سي كو لا بروميير السماء السماء ازرق جدا اليوم زرقاء السماء زرقاء يبقى أزرق زرقاء مؤنث اش هو لو سما سي مؤنث والسماء بنيناها كما قال تعالى بنيناها شي دميه التدبر لما انظر الى السماء في اليوم اي الى السماء اي في اليوم لا سي السماء او تريشي لا سوتي لا حركه السماء او السماء كي اتوقع السماء او بون شو لا دايره فوتو جي جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو جو ج السحوب تجتمع تتجمع في السماء. اي في السماء. ايوه نريد السماء. و تكون مثلا من خلق الله السماء تنفخ. الوسط دي مما أحب أن أنظر إليه السماء التي فوقنا مثلا. عمل الشوز كجم رغادي لسيو فعل السيال كي وسيزن أطول كي وسيزن. كاتورس شهر بل تنبيع طيب ندخل في الدرس الجديد الدرس 18 18 مصر توجد نهر. قال كلمات الجديدة اصطاد يصطاد لا سي لو سونس دو بيشي ici ça rentre également ça prend le sens de chasser كذا mais ce qu'ils veulent c'est pêcher la pêche. Diffatun c'est le même sens que charati c'est rive rivage les bords. الجسور جام جسر سي ان بون. السدود جام سد سي لي باراج. شيد يشيد سي كونستروير باتير رانفورسي également mais là c'est une forme de bâtir ici. موليدات سي يعني دي جينيراتور générer quelque chose, ça va venir inchallah, ça va apparaître. Al-kahraba ou c'est l'électricité. Al-taqa al-kahraba iya mathalan c'est l'énergie. Taqa ça peut être une force, là si vous le croyez c'est l'énergie électrique, la force électrique. Abara ya'buru c'est traverser. Tafakkara yatafakkaru c'est réfléchir, méditer. Amadda yamuddo, là dans le texte, je pense que c'est distribué, dans le sens de wazza'a. À la base, ça peut être aussi prolongé, étendre. Naam. Mais là dans le texte, je crois que ça apparaît comme yamuddo al-kahraba, yamuddo al-kora, je pense que c'est distribué. Ce qui apparaît dans ce que je dis. Ou un risque ma'alouf, la subsistance. طيب سأقرأ كذلك أسمع وإذا في شيء ما تفهموا تسألوني إن شاء الله. قال عرف الإنسان فوائد النهر منذ زمن بعيد. Que l'homme a connu les avantages du fleuve depuis une longue époque. Et là c'est une erreur. منذ زمن بعيد. On a dit منذ. On l'emploie avec un temps qui est défini. فعاش على دفته. Donc il a vécu sur ses rives, sur ses bords. يزرع الأرض ويسقيها من مياهي. Qu'il cultive sa terre et l'arrose par saison. ويشرب منه يسقي الحيوانات. Il en boit et il abreuve les animaux. يصطاد منه السمك. Il pêche le poisson. وينتقل من بلد إلى آخر. Il se déplace d'un lieu à un autre. Pays à un autre, contrée à un autre. ومن دفة إلى دفة أخرى راكبا سفينة تجري فيه. Et qu'il passe d'une rive à l'autre en étant en embarquant un bateau. Ben al-insanu baytahu ala sharti an-nahr. Que l'homme a construit sa maison sur les bords du fleuve. Wa istamala mayahahu fi hayatihi ayyumiyyah. Et qu'il utilise ses eaux quotidiennement dans sa vie quotidienne. يغتسل منه ويغسل ملابسه يطبخ طعامه. Il lave avec ses vêtements et il cuisine avec cette eau. وشيد الجسور ليعبر عليها من دفة إلى دفة أخرى. Et il a construit dessus des ponts pour pouvoir traverser d'une rive à une autre. وبنى السدود. Il a construit les barrages. لتتجمع المياه. Pour que les eaux s'y rassemblent. فيستفيد منها للزراعة. Il en profite pour l'agriculture. بعدين تتوقف الأمطار لسكو لي بوي سيس. وعلى النهر توضع المولدات الكهربائية التي تمد المدن والقرى بالطاقة الكهربائية. Sur les fleuves, on passe les générateurs électriques qui font naître l'électricité, celles qui justement alimentent, on va dire alimentent, non, les villes et les villages avec la l'énergie électrique. Inna an-nahr ni'matun 'azimatun min Allah 'ala al-insan yahsulu minhu 'ala rizq. Et que le fleuve est un bienfait parmi les bienfaits d'Allah par lesquels il obtient sa subsistance. ويشعر وهو جالس على الضفة بالراحة يتفكر في قوله تعالى. Donc il ressent, c'est-à-dire alors qu'il est assis sur ses rives, apaisé, avec paix ou kaza, et il réfléchit à la parole d'Allah dans le sens où, parole d'Allah où il dit ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Que Allah dans le sens où il dit, et parmi ces signes que tu vois la terre humble, et lorsqu'on descend dessus, on fait descendre dessus l'eau, voilà qu'elle se soulève et qu'elle grossit, et celui certes qui l'a fait vivre, c'est celui qui fait revivre les morts, et il est certes omnipotent, il est incapable de toute chose. Elle fihi kalimatun ghayr mafhouma. Vous avez tout assimilé? Donc là, il y a Mouddou serait dans le sens d'alimenter. Hein. Mais Ahmedda là-bas, je connais, c'est Ahmed, c'est une chose que tu prolonges. Mais là, dans le sens du texte, ce serait alimenter. Allah Alam. Taïb, Tartib, Tadrib al-Awwal, Adib al-Asil al-Atiyem al-Nas. Répond aux questions suivantes. Mata arafa l'insano al-Nahr. Quand est-ce que l'homme a connu le fleuve? Eina Asha, où a-t-il vécu? Ouskur ba'd fawaid al-Nahr. S'il y a certains avantages du fleuve. هل يخص النهر بفوائده بعض الناس أو ينفع الجميع وضح ذلك. Est-ce que le fleuve يعني privilégie certaines personnes par ses fawaid ou bien il sert à tous? Explique cela. ماذا نفعل ولا الدفتي. Qu'est-ce que nous faisons sur ces rives? بما يشعر الإنسان وهو جالس ولا الدفتي. Qu'est-ce que ressent l'homme alors qu'il est posé sur ses rives? لماذا بنى الإنسان السدود؟ Pourquoi est-ce que l'homme a construit des barrages؟ ما فائدة الجسور؟ Quel est l'avantage؟ À quoi servent plutôt on va dire les ponts؟ نعم. طيب، on va faire le premier namouzaj qui dit عرف النهر deux كلمات. C'est devenu عرف الإنسان النهر منذ زمان. Donc on a عرف qui veut dire connaître, النهر le fleuve, que l'homme a connu le fleuve depuis longtemps. Et nous on va corriger la phrase, on va dire من زمان. On ne va pas dire منذ, car منذ on a dit non pas pour un temps défini. Et زمان là c'est indéfini. Donc on va dire من زمان. Je fais pareil avec les phrases en dessous. La même phrase. شيد الجسور. شيد construire les ponts. شيد الإنسان الجسور من زمان. نعم. رب الحيوانات. إلفي لزنيمو. رب الإنسان الحيوانات من زمان. أنهى العمل. تعميني travail. أنهى الإنسان العمل من زمان. استخدم السفينة. Utilisé le bateau. استخدم الإنسان إنسان السفينة. السفينة من زمان. زرع القمح يعني comment dire déjà c'est bien à la base zara c'est planté cultivé ailleurs cultivé قمح c'est le blé. زرع الإنسان القمح من زمان. بنى السدود construire barrage. بنى الإنسان السدود من زمان. Oui. الثالث, celui-là tu vas le faire, fait le bait. T'as une phrase, un début de phrase. Tamam. Ibarra, ثم عندك ثلاث اقتراحات. Tu as trois suggestions après. Tu tu mets à celui qui convient. On va lire et toi tu feras ça à la maison, inshallah ta'ala. Faslu saif ou faslu, donc la saison 2, l'été c'est la saison. Après il dit trois choses: al buruda shadida, le froid est dur; al harara shadida, la chaleur est intense; al nashat ou al amal, il y a beaucoup de formes et de travail. Tu choisis une des trois. On peut le faire maintenant. Ouais. Mahou. Al-hararati shadid. C'est la saison de la chaleur intense. Tubna as-sudud fi anhar kay. Donc les barrages construits pour na'bura 'alayha, pour traverser dessus; nasid as-samak, pour pêcher le poisson; tatajamma wara'aha al-maya, où les eaux s'y rassemblent. Le dernier. Non. Ah, bah, je pense que c'est vraiment. Ouais, c'est simple en fait. Ouais, vas-y, on passe. c'est pour les enfants ça. Il n'y a pas de. Déjà, le vocabulaire est marlouf et il n'y a pas de. Allez, on saute celui-là. On va faire le khamis. Imla al-faraghat fi jumal taliya bi ihtiyar kalimat al-munasabati mimma yali. Tu remplis comme d'hab les trous avec les mots suivants: tamuddu arisq at-taqa al-kahraba'iyya fakkara yastad shayyada as-sayf diffati ou diffatay la samuda abarat. Je connais la séance là, là. Okay. Sans vacances. Ah, non, non. Je sais pas. Pourquoi on a souvent une cop? Non, je sais pas, c'est spécial, je pense. Ah, attendez. Je pense pas que ça va durer. Allez. Yakhrujou Sayyad Moubakiran Lim Samak. C'est-à-dire le pêcheur partout pour le poisson. Astad. Yastad. كلما راى انسان شيئا عظيما في عظمه الله وقدرته. À chaque fois que l'homme voit une chose immense dans la grandeur d'Allah et dans sa capacité. Ouais. Fakkara. Naam. Omnipotence on dira, naam. Thalatha ma yahun anharu al-insan bi. Donc les eaux des fleuves, la personne, l'être humain par. C'est la quoi déjà chez Yada, je pense. C'est construire. Je pense pas que c'est ça. Sifati. Non, c'est pas ça, c'est Difati. Là, c'est Difatei. Difati. Abarat, traverser, l'eau des eaux traverse l'homme. C'est un mout d'eau. C'est les eaux des fleuves alimentent l'homme en électricité. Bitaq al-kahraba iya. C'est ça par illumination. Rabihan, fi fasli m, takhiffu al-ardu, fatamudduha al-anhar bil-maya. Dans la saison de m, la terre sèche et les fleuves l'alimentent en eau. Safe. Safe, laissez-moi. إن معظم الذي أعطانا الله أعطانا الله من المياه. Que la plupart des mous qu'Allah nous a donné viennent des eaux. Le risque ? Non, pas de risque. Allah yakul wa fi sama'i rizqukum. Malgré tout votre risque, Allah alam. لكن لا يمنع انه ياتي بالماء من السماء. يخرج الناس عصرا ليتنزهوا على النهر. Les gens sortent l'après-midi pour se promener sur du fleuve. Ah. Diffati. Diffati. Là, c'est un mot d'offrir d'un moufanna. Les deux rives du fleuve. Al-insanu al-jusur fouk al-anhar. L'homme, les ponts au-dessus des fleuves. Shayyada. Non, abati. Al-safinatu al-bahar fi yawmayn. Le bateau sur la mer en deux jours. عبرت عبرت طبيعي طيب pour demain tu vas faire ça bien qui est de mettre les mots suivants dans les phrases. Yastadu pêché diffatu la rive et la bunatu ra'iya al harakat. Attention harakat. Ouais, ça remplace le mot. As-sayfu l'été ni'matun bien fait. Fakkara, réfléchir. Un risque, substance. Un gisr, il n'y a pas de haraka, donc tu pourras faire ce que tu veux. Le pont. Amadda, c'est alimenter. Es-soudoud. Es-soudoud, c'est les barrages. Kadhalika thamin fil bayt. Tartib et jumel. Awalan, kharaja salimun baytihi wa zahaba ilin nahar. Salim est sorti de sa maison et s'est rendu au fleuve, près du fleuve. وبعد أن تعب رجع إلى أهله مسرورا. يقول في سورة فاتحة إلى رجل غبن قد زفامي قنطان. وجد كثيرا من الناس على دفته. Il a trouvé beaucoup de gens sur sa rive. كانت المناظر كثيرة وجميلة. Que les paysages étaient beaux et nombreux. لأنه أقضى وقتا ممتعا. Car il a passé un temps plaisant. وبعد أن سار مسافة وصله. Après qu'il ait parcouru une distance, il y est parvenu. Tajawwala muddat at-tayyiba ala diffati. Tajawwala. C'est quoi ça? On va dire qu'il s'est promené. Il a fait un tour, une bonne période sur sa rive. Après, ils ont mis l'espace pour que tu mettes les phrases. Voilà. Là, faut que vérifier. Là, faut que vérifier. Voilà, de s'aligner. Là, faut que vérifier. Voilà, c'est des autres exercices. أول أنا أريد أن أقول لك والحمد لله رب العالمين.